Quatrième chapitre. Le capitaine de papier. Savanilla. Le bongo. Barranquilla. Je n'ignorais point que tout voyageur débarqué à Carthagène doit avoir le temps de visiter le village indien de Turbaco et le célèbre volcan de boue décrit par Humboldt. En outre, mon hôte et mon hôtesse, allemands, qui parlaient toutes les langues, me donnait 1000 bonnes raisons pour prolonger mon séjour à la Fonda des Calamars. Cependant, j'entendis parler d'une excellente goélette en partance pour Savanilla, et je résolus de saisir cette occasion, qui peut-être ne se fut pas retrouvée de longtemps. Au point du jour, je sautai dans une barque et je fis ramer vigoureusement vers le Sirio, dont la carène élégante se balançait au milieu du port. Le marché fut bientôt conclu. Le pilote, qui s'attardait sur le rivage, obéit à l'injonction du porte-voix. Il aborda à son tour. L'ancre fut levée, les voiles déferlèrent et la goélette tourna le cap vers Boca Chica. En moins d'une heure, le Sirio était dans la passe. Le pilote, debout à la barre, donnait ses ordres d'une voix brève. Les matelots, prêts à lui obéir, se suspendaient au cordage. À chaque bordée, le taille-lame effleurait presque les rochers. Mais sous l'impulsion du gouvernail et de la voile, il se retournait brusquement et se dirigeait en sens inverse. Enfin, la goélette dépassa la chaîne de récifs. Elle mit en panne et deux matelots, abaissant le canot sur les vagues dansantes, ramenèrent le pilote au rivage. Le Sirio, construit à Curaçao, avait une marche supérieure et fendait admirablement la mer. En quelques minutes, nous eûmes laissé derrière nous les falaises escarpées de Tierra Bomba et l'écueil redouté de Salmedina. Puis, longeant la langue de terre sablonneuse qui défend à l'ouest le port de Carthagène, nous revîmes bientôt la ville royale se dressant comme sur un piédestal au-dessus de la longue ligne de ses remparts. Ensuite, elle s'éloigna peu à peu et disparut enfin derrière le haut promontoire de Punta Canoa. Au-delà de ce cap se montrèrent vaguement les îles de la Venta et d'Arepa, puis se dressa la péninsule abrupte de Galera Zamba. Après l'avoir doublée, il ne restait plus au Sirio qu'à se diriger en droite ligne vers l'entrée du port de Savanilla. Cette rapidité de locomotion, la belle tenue de sa goélette, mirent le capitaine Johnson en bonne humeur et plus d'une fois, il fit circuler parmi ses matelots la bouteille de chicha. Note 1. Eau de vie fabriquée avec du jus de canne fermenté. Elseigneur Janssen, cosmopolite réunissant dans ses veines le sang de toutes les races qui se sont établies dans les Antilles, était un homme bien différent de Don George. Comme lui, il respectait les matelots et les traiter en égaux. Mais il ne se contentait pas de jouir de la vie telle que la lui présentait le destin. Il travaillait constamment et ne se donnait pas un instant de répit. Bien qu'il fût sur une côte souvent visitée par lui, il ne cessait de consulter sa boussole, de suivre sa route sur les cartes marines, de noter ses observations. Quand je le questionnais, il me répondait d'une voix précise et sûre. Avoir son front droit, ses sourcils froncés, sa bouche résolue, je ne pouvais douter qu'il n'eût autant d'énergie et plus d'intelligence que ses ancêtres, les écumeurs de la mer des Antilles. À côté du seigneur Johnson, un jeune homme, cruellement torturé par le mal de mer, semblait agoniser. Je m'assis près du chevet sur lequel il avait appuyé sa tête, et je lui donnai quelques soins. Croyant qu'il était passager comme moi, je l'interrogeai sur le but de son voyage. « Soy el capitán. »« Je suis le capitaine, » dit-il en m'interrompant d'une voix faible. « Comment, celui qui consulte la boussole maintenant, n'est-il pas le patron ?»« Si, pero yo soy el capitán de papel. » »« Je suis le capitaine de papier. » et il me montra un certificat timbré et paraffé qui lui donnait en effet le titre de patron. Je ne sais par quelle fiction légale il était ainsi obligé de s'emprisonner à bord d'une goélette où, depuis plusieurs années, il souffrait constamment le martyre et où son titre officiel ne lui donnait pas même le droit de faire larguer une corde. Le pauvre captif était certainement à plaindre. De temps en temps, il tournait mélancoliquement les yeux vers deux ouistitis qui montaient et descendaient dans les agrès. Mais les gambades les plus risibles des deux singes ne réussissaient pas à dérider son visage souffreteux et amaigri. Seulement, pendant les repas, il souriait du bout des lèvres en voyant les petits animaux sautiller autour des plats, s'emparer des tasses de café brûlant, s'encoiffer pour absorber plutôt le liquide, puis se rouler en poussant des gémissements lamentables. Après 8 heures de traversée, nous arrivions en face de la vaste embouchure appelée Boca Ceniza ou Bouche Cendre. Note 1. Ainsi nommée à cause de ses atterrissements de sable fin. Bras principal du Rio Magdalena qu'obstruent des bas-fonds et de nombreuses îles basses couvertes de mangliers. Le capitaine se mit à la barre. Il fit rapidement louvoyer sa goélette entre des bancs de sable et l'introduisit dans un chenal dont l'eau verdâtre et chargée de débris végétaux permettait cependant de voir le fond à 3 ou 4 mètres au-dessous de la surface. Devant nous, entre une île de palétuviers et les escarpements argileux de la côte, s'étendait une grande lagune où reposaient plusieurs navires à l'ancre. C'était le port de Savanilla. Sachant que ce port est celui qui expédie à l'étranger presque tous les produits de l'agriculture et de l'industrie grenadine, je cherchais des yeux la ville et ses édifices. Mais je ne voyais qu'une maison blanche nouvellement construite pour le service de la douane et non encore habitée. Enfin, on me fit remarquer, au bord de l'eau, une longue rangée de huttes couvertes de feuilles de palmier et se confondant de loin avec le sol rougeâtre sur lequel elles étaient bâties. C'était le village florissant dont le port a hérité du commerce de Carthagène des Indes. N'étant pas encore habitué à toute espèce de gîte, je frémis en voyant ces huttes misérables. Il s'agissait de reconnaître de loin, parmi ces chétives habitations, celle où je pourrais me faire donner, de gré ou de force, l'hospitalité la plus convenable. Mon choix tomba sur une hutte plus grande que les autres et remarquable par la véranda qui portait son toit de feuilles. Elle appartenait, me dit-on, au seigneur Hasselbrink, consul de Prusse, le seul résident étranger de Savanilla. À peine débarqué sur l'une des petites jetées en bois construites devant le village, j'indiquai la maison du consul au nègre qui se chargea de mes effets et je le suivis sans m'arrêter devant le poste des douaniers qui sans doute sommeillaient dans leur hamac. Sur la plage se promenait un beau vieillard qu'à ses traits tudesques je reconnus aussitôt pour le consul. Je me dirigeai sans embarras vers sa maison où j'entrai résolument et je reçus bientôt au seuil même de sa porte le propriétaire ébahi que je suppliai dans sa langue maternelle de vouloir bien excuser mon audace. Ces quelques mots allemands suffirent pour dérider l'excellent homme qui, me prenant dès demain à la fois, me souhaita cordialement la bienvenue. « Mi casa es a la disposición de vuestre merced. » Pendant toute la soirée, il m'accabla de prévenance, me donna gracieusement tous les renseignements que je lui demandais et me fit en retour de nombreuses questions sur l'Europe qu'il avait quittée depuis l'an de grâce 1829, mais attend encore pour aller de Stockport à Portalington par le seul chemin de fer à locomotive qui exista alors en Europe. Le pauvre vieillard s'émerveillait encore au souvenir de ce voyage et disait pouvoir mourir en paix puisqu'il avait vu ce triomphe de la civilisation moderne. Quand vint l'heure du repos, il fit établir nos deux pliants à côté l'un de l'autre afin de pouvoir prolonger la conversation et m'entendre parler des progrès accomplis en Europe et en Amérique depuis 1830. Le lendemain matin, il s'occupa lui-même de me procurer une embarcation pour Barranquilla et je partis muni d'une lettre d'introduction adressée à son fils, agent de la compagnie anglaise des bateaux à vapeur du Rio Magdalena. Le village de Savanilla ne doit son existence qu'au voisinage de l'embouchure principale du fleuve, avec laquelle son port communique par les marécages du delta. La barre n'ayant guère plus d'un mètre de profondeur, toutes les denrées des provinces riveraines, le tabac, l'écorce de quinquina, le café, doivent être déposées en amont de l'embouchure dans les magasins de Barranquilla et de là être péniblement transportées par d'étroits canaux jusqu'au port de Savanilla, où on les recharge à bord de navires calant moins de 4 mètres d'eau. Quand la République néo-grenadine, devenue plus riche et plus entreprenante, s'occupera de l'amélioration de ce port, elle aura de très grands travaux à faire exécuter, car les sables d'une bouche du Magdalena, appelée Boca Culebra ou bouche serpent, s'accumulent à l'entrée et sous l'impulsion des vents alisés et des vagues, avancent continuellement du côté de l'ouest. En attendant, il serait relativement facile de construire un chemin de fer entre Barranquilla et son port, ou, mieux encore, d'utiliser les bouches marécageuses du fleuve en y creusant un canal assez profond pour permettre aux plus grands bateaux à vapeur du Haut Magdalena d'aller accoster les navires jusque dans la rade. Mais il est probable que les négociants de Barranquilla retarderont longtemps l'exécution de ces projets qui les priverait des bénéfices réalisés sur le transportement des marchandises. L'embarcation que m'avait procurée Seigneur Hasselbrink était un grand bongo, espèce de chaland aux membrures mal équarries et ponté de la proue à un mètre de l'arrière. 4 sambos. Note 1. Le nom de sambo ne devrait s'employer que pour les hommes de couleur issus de nègres et de mulâtres. Mais dans la Nouvelle-Grenade, on applique indistinctement ce nom à tous les hommes de peine, noirs ou de sang mêlé. 4 sambos, athlétiques et demi-nus, 2 de chaque côté, se tenant debout sur le pont et tournant le dos à l'avant, appuyaient leurs épaules gauches couvertes de callosités sur de longues perches dont le bout reposait au fond de l'eau. Dès que le signal du départ fut donné par un claquement de main, ils pesèrent de tout leur poids sur les perches et, poussant en mesure les cris de « Ressus, Ressus », s'élancèrent au pas gymnastique de l'avant à l'arrière du bongo, puis ils revinrent lentement vers la proue, répétant toujours « Ressus, Ressus » et prirent un nouvel élan. Poussé par ses 4 épaules vigoureuses, le lourd bongo fendit rapidement l'eau verdâtre du port et, en peu d'instants, nous vîmes disparaître les huttes de Savanilla et la jetée où se tenait mon hôte m'envoyant des saluts. Nous voguâmes ainsi pendant plus d'une heure sur une baie d'eau salée aux bords ombragés par de petits mangliers qui de loin ressemblaient à nos saules d'Europe. Après avoir dépassé de misérables cabanes appelées Playon Grande, le bongo, cessant de longer le rivage de la baie, fit un détour soudain vers le nord, et le paysage changea brusquement d'aspect. Nous étions sur l'eau jaunâtre des marais à l'entrée du Caño Hondo. Les caños, en tout semblables aux bayous de la Louisiane, sont les canaux d'eau dormant qui font communiquer les bras d'un fleuve avec la mer. Des roseaux gigantesques dardaient autour de nous leurs tiges pressées, se terminant en ombelles, en aigrettes, en panaches. Presque partout la surface de l'eau était cachée par de larges feuilles de toutes formes et de toutes couleurs, disparaissant elles-mêmes sous les fleurs qui venaient s'épanouir au-dessus d'elles. plusieurs couches de végétation s'entassaient les unes sur les autres et dans le sillage étroit laissé derrière le bongo, l'eau épaisse, obstruée par de longues herbes flottantes, apparaissait toute saturée de germes. Des oiseaux pêcheurs s'abattaient par bandes au milieu des roseaux et, dans le lointain, s'arrondissait un vaste horizon de grands arbres. C'est là, dans ce marécage sur lequel pesait une chaude et fétide atmosphère, que les sambos firent halte pour le déjeuner. Ils tirèrent d'une besace quelques yuccas, cuites sous la cendre, des restes de poisson, une bouteille de chicha, et faisant passer la calebasse à la ronde, ils m'invitèrent généreusement à partager leur frugal repas. Note 1. Yucca. Racine du manioc, Jatropha manio. J'acceptai, mais j'avoue que l'appétit m'abandonna tout à coup lorsque je vis l'un de mes amphitryons retourner du bout de sa perche les poissons morts qui surnageaient en grand nombre dans le sillage. Rejetant avec dédain ceux dont la tête était déjà zébrée de lignes jaunes, il pêcha les autres au moyen d'un petit harpon et les mit soigneusement en réserve pour le dîner. Le festin achevé, les sambos s'appuyèrent de nouveau sur leurs perches et, recommençant leur cantilène, réussirent à frayer une voie au bongo à travers les roseaux et les plantes aquatiques de toute espèce qui obstruaient l'entrée du Caño Hondo. Ce canal, s'étendant en droite ligne sous la forêt comme une large avenue, est profond de plus de 6 mètres. Les perches des sambos pouvaient à peine en atteindre la vase. Heureusement, l'eau, soulevée par un dernier effort de la marée, était animée d'un léger courant et poussait le bongo devant elle. Les grands arbres rejoignaient leurs cimes touffues au-dessus de nos têtes. De longues lianes vertes, suspendues aux branches, trempaient dans l'eau du courant et se balançaient mollement au gré de chaque remous. Des roseaux, des feuillages et des fleurs, arrêtés par les racines des arbres sur les bords du caño, oscillaient lentement comme des îles fleuries. Les vautours perchés sur les troncs pourris nous regardaient passer, fixant sur nous un œil dédaigneux. À l'avant du bongo, les quatre athlètes dessinaient leurs formes musculeuses sur le vert sombre de la forêt. Parfois, un rayon de soleil descendu de la voûte recouvrait les eaux, les lianes et les troncs d'arbres de son éblouissante lumière. Après le Caño Hondo, notre embarcation traversa des marécages dont l'eau est tellement chargée de débris végétaux qu'en certains endroits, elle est devenue une vase fluide où les bateaux creusent de noirs sillons en soulevant des bouffées d'une odeur pestilentielle. Puis vinrent d'autres marigots au bord fangeux où seuls les crocodiles et les tortues peuvent se hasarder sans crainte, où l'homme laissé sans secours, ne voyant autour de lui que l'eau, la fange et les reptiles, serait immédiatement frappé de désespoir. Cette nature inhospitalière me faisait frémir, et je désirais avec impatience respirer un air moins chargé de miasmes funestes, apercevoir une motte de terre sur laquelle je pourrais mettre le pied en sûreté. Enfin, nous entrâmes dans un étroit canal creusé de main d'homme à travers un terrain élevé de quelques pouces au-dessus de la ligne des inondations. Aussitôt, il me sembla que l'air devenait plus pur et je me sentis guérie de la fièvre qui avait perfidement commencé à se glisser dans mon sang. Il fallut cependant renoncer à poursuivre ma route dans le bongo qui me portait. Un incident fort imprévu va me forcer de recourir à un autre moyen de locomotion. À l'un de ces nombreux détours, le nouveau canal où nous étions entrés se trouva complètement obstrué par une énorme chaudière envoyée de Liverpool pour un des bateaux à vapeur en construction à Barranquilla. Chargé sur un bongo consolidé intérieurement par d'énormes madriers, elle avait dû, comme nous, suivre la voie détournée des marécages. Mais elle était depuis plusieurs jours en route et ne devait probablement pas arriver de longtemps. Autant l'aspect de Savanilla m'avait douloureusement surpris, autant je me sentis heureux de cette rencontre inopinée qui mettait dans un contraste si frappant la nature encore livrée aux forces désordonnées du chaos et la victorieuse industrie qui fait de la terre une esclave obéissante. Jamais on ne put mieux appliquer la parole du poète. Ceci tuera cela, qu'à cette lourde et immobile caisse de fer échouée dans un canal vaseux au milieu des immenses marées. Mes 400 veaux parlementaient de leur mieux avec leurs amis installés sur la chaudière. Mais leur éloquence fut inutile, car le bateau qui nous barrait le chemin était bien et dûment échoué. Pour le dégager, il fallait attendre du renfort ou même une crue du Magdalena. J'eus bientôt pris mon parti. Pendant que mes compagnons s'installaient sur le rivage et mangeaient les poissons si étrangement pêchés dans la matinée, je sautai dans un tronc d'arbre creusé qui appartenait à un petit Indien venu pour offrir des vivres à l'équipage de la chaudière et je lui dis de ramer vigoureusement vers le fleuve. Celui-ci était beaucoup plus rapproché que je ne l'espérais et en moins d'une demi-heure, la barque où j'avais pris passage se trouvait lancée sur le vaste sein du Magdalena. Dans l'Amérique méridionale, le Magdalena ne le cède en importance qu'aux fleuves des Amazones, à l'Orénoque et à la Plata. Mais je ne voyais pas là ce puissant cours d'eau tout entier. Je n'avais sous les yeux que l'un de ses bras, le Rio Ceniza, dont les eaux se déversent dans la mer à quelques kilomètres plus à l'ouest. Ce bras, beaucoup plus large que nos cours d'eau de l'Europe occidentale, égale presque le Mississippi. Comme lui, il est bordé de grands arbres au sombre feuillage. Seulement, on aperçoit ça et là sur ses rives que de rares huttes entourées de palmiers et de bananiers. L'eau frissonnante sous le vent et coupée de vagues courtes et rapides semble moins profonde que celle du grand fleuve de l'Amérique du Nord. Mais elle est également chargée d'alluvions et l'on ne peut y distinguer les crocodiles que lorsque ces monstres laissent flotter à la surface leur énorme tête à dents de scie. Je vis plusieurs de ces animaux plonger en toute hâte quand s'approchait notre esquif incliné sous sa voile et fendant gaillardement les flots. Dans le canal qui mène à la Barranquilla, les crocodiles se montrèrent bien plus nombreux encore. Le cadavre déjà putréfié de l'un de ces gigantesques reptiles tournoyait au milieu d'un remous entre des troncs d'arbres échoués dont chacun portait son vautour au long cou avidement tendu. Dans le port même de Barranquilla, j'aperçus des baigneurs s'enfuyant de côté et d'autre pour éviter le voisinage incommode d'un terrible visiteur attiré par leurs ébats. À mesure que nous approchions de Barranquilla, mon attention changeait de but et bientôt je n'eus plus de regard que pour la ville dont les longues rangées de maisons blanches apparaissaient au-dessus des berges argileuses. De petits bassins à flots creusés sur la rive du canal et remplis de bongos, de lanchas, de canoas, des chantiers de construction couverts de toits en feuilles de palmier, des entrepôts où des Indiens et des Noirs entassés des denrées de toute espèce, des jetés auxquels étaient amarrés des bateaux à vapeur, des carènes en fer battues sans relâche par le marteau de centaines d'ouvriers. Tout annonçait une ville commerçante semblable à celle de l'Europe et des États-Unis. Sur le quai de la grande place où je débarquais, même animation que dans le port, des matelots allant incessamment des bongos au magasin pour y déposer les barils et les boucaux, des femmes portant sur leur tête des corbeilles de bananes ou d'autres fruits, des marchands installés devant de petites tables et criant leurs denrées. Au milieu de la foule affairée, circulaient des gamins à demi nus, apostrophant les étrangers par des jurons anglais prononcés avec une remarquable perfection. Barranquilla, bâtie sur la rive gauche de l'une des nombreuses ramifications du Rio Magdalena, ne date que d'hier pour ainsi dire. Mais ses progrès ne peuvent être comparés qu'à ceux d'une ville des États-Unis tant ils ont été rapides. On n'y voit que des échafaudages, des briques et du mortier. Elle dépasse déjà Carthagène par le nombre de ses habitants si l'on tient compte en même temps de la population flottante. En outre, l'ancienne ville de Soledad, située à quelques kilomètres en amont sur le bord du fleuve, peut être considérée comme un simple faubourg de Barranquilla, car ses habitants vivent uniquement des industries diverses que leur procure le voisinage de la grande ville naissante, vraie capitale commerciale de l'état de Bolivar. De tous les côtés, Barranquilla projette dans la campagne ses rues tirées au cordeau et coupées à angle droit, mais bordées pour la plupart de huttes et de jardins où se groupent le cocotier et la papaya. Carica papaya, semblable à une herbe gigantesque. Les maisons en pierre et à péristyle s'élèvent toutes dans le voisinage du port et autour de la grande place. Quant à la plaine environnante, elle n'offre rien de pittoresque. Le sol d'argile rouge, mêlé de veines de sable, en est peu fertile, si ce n'est dans les dépressions marécageuses. L'importance de Barranquilla est due presque tout entière aux commerçants étrangers, anglais, américains, allemands, hollandais, qui s'y sont établis dans les dernières années. Ils en ont fait le principal centre des échanges avec l'intérieur et le marché le plus considérable de la Nouvelle-Grenade. Les indigènes, moins poussés par l'aiguillon de la fortune et non encore initiés aux secrets de la spéculation, ont été pour très peu de choses dans les progrès de cet emporium du Magdalena. Lors de mon passage, il y avait 10 bateaux à vapeur, à flot ou en construction sur le fleuve, 5 anglais, 3 américains, un allemand et un seul appartenant à une compagnie anglo-grenadine que gérait M. Hasselbrink, le fils du consul prussien de Savanilla. Ce jeune homme excellent, ancien élève de l'université de Göttingen et correspondant de l'illustre botaniste Niels von Essenbeck, était un vrai savant dont la carrière naturelle eût été de professer dans une grande cité d'Allemagne. Mais en dépit des affaires de commerce qu'il occupait, il n'avait point oublié la science et il avait su grouper autour de lui un grand nombre d'hommes instruits. Il eut la bonté de me présenter à plusieurs d'entre eux, presque tous grenadins. En revanche, dans le grand hôtel de Barranquilla, je ne vis guère que des étrangers venus de tous les points du globe et conversant en anglais dans cette langue franque de l'univers. Madame Hughes, notre hôtesse, tenait sa maison sur un pied tout européen. Elle avait le tort, il est vrai, de maintenir dans l'hôtel une ridicule étiquette britannique, mais je lui pardonnais en faveur du bon goût qu'elle avait de nous faire dîner dans un patio, sous des arbres couverts de fleurs parfumées, autour desquels les oiseaux mouches voletaient avec un joyeux susurrement. Le soir, elle faisait installer les pliants sous les arcades qui environnent le jardin, et ceux d'entre nous qui se réveillaient pendant la nuit avait le plaisir de voir les rayons de la lune ou le vague scintillement de la voie lactée à travers le feuillage tremblant. Fin du quatrième chapitre.